Bent over silence. Thank you. Écoute ça. Pour les trucs. Thank you. putain, ça marche plus. Bug là. Mais putain, ça y est, c'est bon. Nouveau jam tabac. Bon, je dois m'en aller. A plus.